This is the cone of silence. Comment vous avez trouvé ce truc, cone of silence? Cone of silence. Espèce de cone. T'as trouvé ce truc, toi? En fait, t'es un pirate, toi. T'es un hacker. Cone of silence. Je sais pas comment on fait un topic. Thank you. Thank you. Thank you. J'aime bien le refrain. J'adore ce refrain. Ouais, mais après le couplet est un peu compliqué. Oh, je m'en fous. My flower. A flower are very beautiful. Enfin, c'est bien ton refrain. C'est un très bon investissement ton refrain. Brian is in the kitchen with his sister, and his father is drinking a beer on the kitchen.